Te dire que j'ai peur qu'ils sont devenus fous, que le monde a mal au cœur, mais que tout le monde s'en fout. Qu'il y a tant de prières qu'on ne peut plus les comprendre, et tant de mots qu'on croyait ne plus jamais entendre. Alors tu montes sur scène comme un gosse sans gêne. Tu viens chercher l'amour, tu viens crier au secours. Je sais qu'il a quelque chose que j'aime, mon ami. Je chante quand même. De chercher à comprendre, mais comment se faire entendre quand personne ne répond au milieu de la haine. Au milieu de la haine. Paul, personne? Non, c'est Patrick Bruel. C'est Patrick Bruel qui a écrit ces paroles. Eh oui, c'est Patrick Bruel. Au fond du jardin, j'y vais quand j'en ai besoin. Ma cabane au fond du jardin, c'est un endroit plein de cailloux, avec des arbres tout autour, avec des belles feuilles pour s'essuyer quand c'est fini. Ma cabane au fond du jardin, j'y vais souvent, tu vois, quand j'en ai besoin. Quelquefois j'amène ma guitare, parce que c'est un peu plus long, tu vois. ça dépend ce que j'ai mangé. Mais des fois ça met du temps pour s'en aller. Dans ma cabane au fond du jardin, je mange aussi. Philippe Schmidt. Oh, like Johnny Hallyday. Oh, Johnny Hallyday. Il faut quand même que je vous raconte la fin de mon histoire. Elle avait disparu, se promenait dans ma mémoire. Oh, Natatia! Et quand l'hôtesse m'a demandé mon carton d'embarquement, j'ai dit c'est pas moi, c'est Natatia qui l'a pris. Allô? Johnny Cabrel. Johnny Cabrel. Avec du Cabrel, ça serait comme ça. Si j'ai bien toute ma mémoire, disait Dieu dans un coin du ciel, j'avais commencé une histoire sur une planète nouvelle, toute bleue, bleue, pour pas qu'on la confonde. Je vais m'asseoir sur le Robert des morts. Je me suis trompé. C'était du jazz, non, c'est du blues ça. Toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient des mots. Problème de synchro. D'accord. À force de se voir, on ne se voyait plus. Éteins la lumière. Montre-moi ton côté sombre. Éteins la lumière.

lumière. Si tu ne me vois plus, c'est normal, c'est éteint. Alors éteins cette putain de lumière, parce que tu fais mal aux yeux. Un groupe auvergnat ? Non, des duos. Avec du jambon et des saucissons. Et un petit canon de Châteauguay, des côtes de Châteauguay. Ça pique un peu, mais bon, ça se boit quand même. Alors, c'est quoi les accords ? À force de se voir, on ne se voyait plus. On n'y croyait plus. Ne me laisse pas. Cette petite aventure va tourner et l'amour est un ami. On ne peut pas tout la chanter, c'est trop compliqué. Ah, que ça va pas être possible de faire toute la chanson en entier. Thank you. ne se voyait plus. C'est la version tranquille. Force de se voir, on ne se voyait plus. À tant vouloir y croire, on n'y croyait plus. Bon, on fait quoi? On encule les mouches. Merde, c'est pas carré. Bon, je fais quoi? Je fais que les accords? Je sais pas. Ça fait beaucoup de mesures. Ça fait beaucoup de mesures, tu sais. Je vais te le dire, ça fait trop de mesures pour faire le concert sur une botte. Sinon, après, c'est compliqué. Il faut faire beaucoup de BPI. Sacha, mais c'est pareil. Elle chante plus, elle est partie. Elle est au téléphone. Non, en fait, elle est sur son vélo. Parce que c'est... Mais là, quand même, il faut reconnaître que c'est un exemple à suivre. Si je faisais autant de vélo que... Sacha, ben j'aurais maigri. Je ferais pas mes 90 kilos de merde. Bon, je fais que ça, moi. À force de se voir, on ne se voyait plus. À tant vouloir y croire, on n'y croyait plus. Mais ne me laisse pas si tu n'es pas sûr. Loin, loin de toi, tu me dis tout bas. À force de se voir, on ne se voyait plus. À ton vouloir y croire, on n'y croyait plus. Mais ne me laisse pas si tu n'es pas sûr. Je craque. Cette petite aventure va tourner en déconfiture. Éclaire-moi, éteins la lumière. Merde. Éteins la lumière. Attends. Fais que le refrain. Éteins la lumière. Montre-moi ton côté sombre. Regarde les ombres qui errent. Merde. Éteins la lumière. Je sais pas comment on fait ça. J'arrive pas. Bye. Ah ouais, c'est toi, Milos? Quand il manque grec. Parle-moi de toi. Parle-moi. Ça me rappelle quelque chose, cette chanson là. Bah, moi j'aimais bien ce morceau en fait, je crois. Je crois que j'aimais bien ce morceau, bah, forcément. J'aime bien la daube. Parle-moi, ça me dit quelque chose. Parle-moi. Parle-moi de moi. Isabelle Boulay. C'est Isabelle Boulay. Artiste Corentin Grévaux. Guitariste. Bah si, c'est Jean-Louis Aubert. Bah oui, c'est téléphone ça. Je me disais bien qu'il y avait un côté téléphone. Il y avait Jean-Louis Aubert qui avait composé et c'était Monsieur Kolinka. Monsieur Kolinka à la batterie derrière. Je me disais que j'avais bien entendu. Bon, c'est vrai que c'est pas le meilleur téléphone. Hein. Forcément, si vous l'avez pas joué comme ça, c'était moins bien. Déjà, c'est mieux avec lui. Thank you. ça, c'est un super morceau de YouTube. De toute façon, YouTube, c'est trop bon. Je sais pas comment il s'appelle. Ah oui, Magnificence, ouais. C'est un très beau morceau, ça. Mais bon. Ah, moi, il y a un morceau de YouTube que j'aime bien quand il joue dans une église. J'ai vu un truc dans une église. YouTube, église. Il va jouer dans une église, le mec. Ah, c'est là.